On dit qu'on a la vie devant nous, mais on ressent l'inverse. À 20 ans, la pression nous sert comme un verre. Tout le monde y profite. Mais comment quand tout presse, on doit réussir vite, prouver qu'on vaut quelque chose dans la pièce. On cache nos doutes derrière des mots trop lisses. On dit tranquille, mais nos têtes sont en coulisses. On parle l'avenir comme si c'était simple à tracer. On veut être quelqu'un mais on sait pas comment commencer. Les autres avancent, on compare nos vies en silence. On veut tout vite fort mais c'est le stress qui avance. Pression 2.0, tout va trop vite pour nos épaules. On fait semblant de gérer mais c'est juste un rôle. Pression 2.0, on sourit pour pas que ça se voit. On tient debout mais chaque nuit on perd la foi. On grandit dans un monde où tout se compte en secondes. On suit les traînes sans savoir où ça nous fonde. On doit être fort, stable, heureux, tout à la fois. On joue ce jeu compliqué sans vraiment connaître les lois. On dit que la jeunesse c'est l'âge où tout commence. Mais on galère, on doute, on perd nos chances. On garde l'espoir comme un fil qui casse parfois. Mais on avance quand même, même quand le futur nous voit pas. Pression 2.0, tout va trop vite pour nos épaules. On fait semblant de gérer, hey, mais c'est juste un rôle. Pression 2.0, on sourit pour pas que ça se voit. On tient debout, mais chaque nuit, on perd la foi. On respire un peu. On regarde ce qu'on peut sauver. Pression 2.0. Mais demain faudra continuer.